On a ramené Julie chez elle vers le matin de ce jour-là. Elle voit son fils sain et sauf, dort un peu, et réunit autour de son lit sa fidèle servante, la Fanchon, Claire et son mari. Ce seront les témoins immédiats. Elle est avant tout préoccupée des enfants. Elle donne des instructions sur l'éducation des siens, insiste sur celle d'Henriette, la fille de Claire, sans craindre de faire de fréquents retours sur elle-même. Claire sanglote. La Fanchon n'est pas plus tranquille. Volmar, la voyant uniquement préoccupée de la terre, des vivants, se demande si elle se rend compte de son état. Le pronostic du médecin, il arrive vers midi, est très pessimiste. Et quand il revient le soir, elle le prie très fermement de ne pas gâcher ses derniers instants, qu'il s'agit de bien employer par des remèdes d'imagination. Elle saura bien mourir seule, plaisante-t-elle, et sans que le médecin l'y aide. Mais elle exige de Volmar sa parole de ne lui rien cacher du pronostic. La nuit est cruelle et décisive. Oppression, étouffement, syncope, fièvre et délire. Elle appelle vivement son petit garçon et elle prononce même un autre nom, celui de Saint-Preux, jadis répété dans une occasion pareille, lorsqu'elle souffrait de la petite vérole. Au début de la deuxième journée, le médecin déclare Volmar, seul dépositaire de cet affreux secret, qu'elle n'en a plus que pour 3 jours. Volmar tiendra-t-il sa promesse de renseigner Julie? Son système philosophique lui conseille de ménager la mourante. Celui de Julie ordonne à Volmar de parler, puisque la disposition de sa dernière heure doit décider de son sort durant l'éternité. Il conclut. Dans 3 jours, selon moi, elle ne sentira plus rien. Mais si peut-être elle avait raison, quelle différence? Des biens ou des maux éternels? Peut-être. Ce mot est terrible. Malheureux, risque ton âme et non la sienne. Mais il n'a pas besoin de parler. Julie comprend. D'ailleurs, elle se sent bien. La mort, là, presse, il faut se quitter. Elle fait alors son testament, où il y a des dispositions d'ordre financier qui concernent Saint-Preux. Puis, elle songe à sa maison, où l'alarme règne. Que le secret soit sérieusement gardé. Que Claire surtout s'illusionne. Qu'elle ne soupçonne rien avant le temps, où vous risquez de perdre votre ami et laisser vos enfants sans mère. C'est Julie elle-même qui, la nuit qui vient, lui révélera la vérité. Et de fait, cette nuit-là, les deux femmes, les deux amis, restent seuls et dans le même lit.